En Corée du Sud, selon le journal d'internet Tongil News, le Conseil de l'Église chrétienne a formé le 27 juillet à Séoul le comité de mesures d'urgence et déclaré une collaboration avec les formations civiques et sociales et le milieu religieux, y compris le catholicisme et le bouddhisme, pour l'élargissement de la lutte pour l'effondrement du pouvoir pakonin, attaché à la servilité à l'égard des grandes puissances et à la politique antipopulaire. Par ailleurs, ses membres ont exigé des autorités américaines la conclusion d'un accord de paix coréo-américain partout aux États-Unis, notamment Chicago.